Réanimation, Sinistro, c'est moi. Aime-moi avoir la prétention d'être des amateurs de musique relativement ouverts à plus d'un genre. Évidemment, l'émission est consacrée à plus de 95% au métal et dans mon cas, à plus de 95% au death metal. Alors que dans celui de Sinistrose, c'est plus de 95% de choix douteux. Mais chacun de notre côté, aimons l'écoute d'autres genres. On n'a qu'à penser au rock et progressif classique, qui à eux deux emmènent passablement large, mais aussi à des genres plus hermétiques et voire pour certains incompréhensibles. C'est dans cette optique que nous ramenons ce soir le segment Mechanical Surgery, qui se consacre aux mouvements industriels, électro-industriels et ABM. Segment tout aussi hermétique et incompréhensible que Sinistrose et moi pouvons l'être, bien sûr. Donc, pour ceux que le genre rebute, eh bien, lorsque le segment débutera, la solution sera très simple. Turn it off! Pour les autres, ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup de métal pour vous. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, surtout lorsque plus de 95% de nos pensées, paroles et actions ne sont pas pour le bien-être de nos patients ou cobayes, mais bien pour notre propre plaisir. Spécialement lorsque vous n'y retrouvez pas le vôtre. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause E&I said so. Let's go. To find what lies from all our desire.

non? Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition du Undead Incorporated Show Réanimation en ce 16 octobre de l'an de disgrâce 2018. Je suis le Dr. Pain Pendragon. Je vous accompagnerai métalliquement avec mon inégarable comparse Sinistro, cet assistant de malheur qui me doit de nombreuses migraines. Je dirais même la graine en entier. Sinistros. Sur ce, allez tous vous faire foutre. Ben, à la semaine prochaine. Bonjour. Bonsoir à cette heure. Oui, salut. Comment allez-vous? C'est pas tes affaires encore cette semaine. Pourquoi? Ben, parce que... Pourquoi est-ce que tu t'entêtes d'être aussi polisson avec parce moi? Parce que je suis un polisson au nez. Oui, effectivement, tu es un polisson qui a un nez. Oui. Ce soir, Sinistros, on a une émission, je dirais, pour la moins particulière. Pour faire peur encore plus. Oui, effectivement, un segment qui va être consacré à la musique industrielle, à l'électro industriel, au IBM, ainsi de suite. Ça va être intéressant parce que je suis pas mal sûr qu'il y a certains de nos auditeurs qui vont décarpir à toutes jambes en entendant ces... Oui, persuadé. Cette musique du diable faite par des synthétiseurs. Non, donc j'étudie ça, synthétiseurs. J'étudie ça, oui, effectivement. Non, on est convaincus d'une chose, Sinistros et moi, c'est qu'on va probablement perdre une partie de nos deux auditeurs. Ben oui, il va en rester un, c'est bien. Il va en rester un. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, on en parlera plus en détail dans, je dirais, peut-être 16, 17, 18, 20 minutes. Cette musique-là qu'on va vous présenter ce soir est définitivement indissociable de ce que vous appréciez. Ceci étant dit, on vient d'entendre en ouverture comme premier bloc la formation suédoise Throne of Heresy et l'excellente pièce, je dois le dire. Effectivement. Pax Mongolica, c'est vraiment très, très bon, cette pièce-là. L'album, par contre, je dois dire qu'il est un pas tellement égal. Ben, pas comme les autres d'avant, mettons. Là. Non. Il y a de bons trucs, oui. Mais... C'est pas leur meilleur. Mais cette pièce-là, oui. Oui, vraiment très bonne. L'album étant The Cameron, qui était leur troisième album, paru le 3 novembre 2017 sur The Side Record. Juste avant, nous avions l'Angleterre Discarnate, qui a fait partie de mon top 10 l'an dernier, oui, effectivement. Et la pièce de This Is Fire... tiré de leur troisième album également, With All Their Might, qui est paru le 15 septembre 2017 sur Unit Leader. T'avais écouté l'album? Oui, Discarnate, ils viennent de signer sur le label de Chris Adler, le batteur de Lamb of God. OK, bon. Ça a été annoncé ces derniers jours. Fait que probablement un album à venir éventuellement. Oui. Album que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore aussi. Oui, très bon, très très bon. Nouvelle avec une formation dite internationale. Bon, que je ne connaissais pas du tout. Non, mais j'avais, ça faisait partie aussi, mais ça c'était en 2016 de mon top 10, ou de mes 10 mentions, Sith Lord. Formation internationale, comme je le disais, qui... je dis internationale, oui. Je peux pas dire que... Je suis pas prêt à dire que tous les groupes viennent de partout. Ben, écoute, il y en a qui viennent de Suède et d'autres de Floride. Ben, Réanimation aussi, c'était international. C'est Drummondville, Trois-Rivières. C'est là qu'on voit le niveau de connaissances géographiques. Non, mais c'est le Québec, c'est le monde. Le monde se restreint à Trois-Rivières et Drummondville. Oui. Montréal, ça n'existe pas. Ça ben non, c'est une légende, ça. Ça arrête à Drummond. Wow. Ben non, ben, j'aime ça. Donc, cette longue formation de Suède et de Floride, États-Unis, la pièce étant Die for Nothing, qui est tirée de leur premier album, Toxic Minds, qui est paru le 11 décembre 2016 de façon indépendante. En date d'aujourd'hui, je trouve ça un peu bizarre, là, mais bon, Sith Lord a sorti un premier album, comme je l'ai dit, en 2016, et cette année, en 2017, plus précisément le 13... Ben, cette année, qu'est-ce que je raconte? Ils l'ont sorti en 2016, puis ils l'ont serré en 2017. Ouais, ils l'ont serré, c'est ça. Le 13 novembre 2017, ils sortaient une compilation, mais de démos. Moi, personnellement, après avoir sorti un album, j'en aurais peut-être sorti deux, trois avant de sortir une compilation de démos. Ben, en tout cas, c'est histoire une mode présentement, ben, sortir des compilations. On va dire que toutes les modes sont bonnes, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. C'était le premier bloc d'ouverture de l'émission. On va avoir une chronique cinéma cette semaine qui va s'adresser à deux trucs. J'avais dit que je n'en ferais qu'un par chronique, mais vous allez voir, le deuxième, il sera pas bien long. Donc, avant de poursuivre je dirais en quelques minutes vers ce segment Mechanical Surgery, segment industriel, et faire peur à tout le monde, bien, Sinistros, qu'est-ce que tu nous proposes au niveau du métal? Un bon petit bloc trash, presque progressif, assez technique, avec des formations qui donnent... Trash, presque progressif, assez technique. Presque, t'en plaît, ça. OK. Tu avais bien retenu ma leçon. Est-ce que j'ai dit que c'était trash, un petit peu technique, presque progressif? Ben, pas du tout, non. Non. Mais donc, on va avoir affaire à quoi? À du trash, presque économique. Ah oui, d'accord. Ben, j'aime bien ça, les choses coûtent pas cher, moi. Allons-y avec formation italienne A Taste of Fear, qui avait sorti un album en 2017, s'appelait God's Design. Oui. Ils font un très bon trap. Presque progressif. C'est tellement drôle. On va entendre la pièce Into Hell. Ça sera suivi de deux formations qui sont trash presque progressives techniques. Non, ceux-là sont pas mal plus progressives que techniques. Ah, OK. Même. Bon. Droïd et Vector. Vector, c'est excellent. C'est ça. Deux formations qui sont complémentaires l'une de l'autre et des enfants de Voivode, en fin de compte. Droïd avec la pièce Abandon Celestial State et Vector avec Echoless Chamber. Allons-y tout de suite avec Taste of Fear Into Hell. Let's go. Why you sing with my mind? What do you all do? We'll be right back. êtes une personne curieuse et passionnée de musique, de sport, de politique, d'art et d'autres sujets et tu aimes en parler? Nous avons un projet pour toi. Deviens animateur ou animatrice bénévole pour CIFOU 89.1 FM. La formation est offerte. Pour soumettre ta candidature, remplis le formulaire sur le site de cifou.ca et envoie-le à l'adresse de courriel progcifou@uqtr.ca. Au plaisir de t'accueillir dans notre équipe. C'est fou 89.1 FM est en nomination au prochain gala alternatif de la musique indépendante du Québec dans la catégorie Radio de l'année. La station vous invite à voter pour elle et ce, directement sur le site de la GAMIC au musiqueindépendante.com. Et ce, avant le 24 octobre. Fou d'originalité. Sur le campus, c'est le 89.1. C'est 19h40, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show. Jusqu'à 21h, en compagnie de ce Sinistros et de ce Docteur. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Que de bonnes choses, cher ce Docteur. Mais procéder à la remise des prix. Oui, Vector de Pennsylvania, USA. Du vrai, c'est là ça? Oui. Ah. Ben ça, quelque part entre Québec et Drummondville. Puis Pékin. C'est un triangle. Triangle des Bermudas, là, des petites coupes. Là. Echoless Chamber, pièce 2 de Outer Isolation, qui est apparue le 22 novembre 2011 sur Heavy Artillery. Droïd. Un groupe de qualité. Vector. Oui. Ben, c'est rendu un gars de qualité parce qu'il est tout seul. Ah oui, il est tout seul maintenant. Ben, à la sortie du troisième album. Ils ont fait une mini tournée puis tous ces musiciens ils ont dit pourquoi? Pourquoi? Possiblement que le gars il prend un peu trop large. Peut-être un petit peu. Mais c'est pas grave. Ça en prend des gens comme ça qui font de la bonne musique et qui sont mangeux de merde finalement. Ben malheureusement, ça devrait être dissociable. C'est pour ça moi j'ai toujours été, tu sais, beaucoup de personnes. Hein, tel groupe il vient, c'est ton groupe préféré, tu vas s'y rencontrer? Non. Ça m'intéresse pas réellement d'aller rencontrer. Ouais. Parce que tout d'un coup, c'est démangeux de merde. Tu fais quoi avec ta musique après, là? Ben, c'est dissociable. C'est fini, là. Écoute, tu pourrais détester profondément un artiste, mais adorer sa musique. Tu pourrais dire que le gars, c'est un crétin, que tu trouves que c'est un imbécile 100% pur, mais que ça, musicalement, tu trouves ça génial. J'aurais de la misère à un peu le savoir. Ben non, mais t'as pas à vivre avec la personne quand t'écoutes sa musique. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Droïd, Mississauga... Mais Mississauga... Ontario. Mississauga. Mississauga. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire en amérindien? J'aime mieux pas le savoir. Ben, je peux pas te le dire de toute manière. Abandoned Celestial State, qui était la pièce 3 de Terrestrial Mutation, qui est paru le 28 avril 2017 sur Nightbreaker. Mais quel excellent album! Ben, moi, je le connais pas tellement, cet album-là. Ben, tu devrais. Ben, oui, peut-être, effectivement. Okay. En fait, je connais parce que tu as diffusé ici. Puis ça a été amplement diffusé. Non, Il y a Taste of Fear de Rome, Italie, avec la pièce Into Hell, qui est parue sur God's Design le 28 mai 2017 sur Time to Kill Records. Ben, tu vois, ça, par contre, quand j'ai vu que tu avais programmé ça, je me suis dit, hey, je me rappelais pas de ça, même si c'était juste l'année passée. Ouais, c'est ça. Je suis renoué un peu avec ça. C'est vrai que c'est pas vilain. Ouais. C'est pas vilain. Pas vilain, ça veut pas dire que c'est bon. C'est quand même pas pire. Non, mais ça, c'est subjectif. Ça, oui. Tout ce que tu trouves bon, je trouve ça généralement pas bon. Oh, oui, mais tout ce que tu trouves excellent, moi, je mets des 0, puis tu mets des 9. Et toi, tu fais le contraire. Moi, quand je mets 9.8, tu mets 8. Moi, je mets 8.9. 8.9. 19h43, ben, c'est ici que pour plusieurs, l'émission s'achève. Ouais, hein? C'est ici que vous nous quittez. Oui, parce que c'est le retour du segment qu'on a fait, Sinistros et moi, et que j'ai fait aussi un peu seul à l'occasion, segment industriel. Tu veux te sentir seul, justement. Non, ben moi, cette musique-là, je trouve que ça s'écoute très bien seul. Ben, ce qui est important de comprendre dans ce style de musique-là, l'industriel en général, c'est que quand t'es un métalleux, un petit peu borné, puis tu peux pas regarder ce qui se passe alentour, tu comprends pas, tu sais. Mais tu veux pas comprendre. Tu veux pas comprendre non plus, parce que la musique industrielle, en tant que soi, c'est aussi élevé, sinon plus, que le métal. C'est ben, juste que c'est fait avec un autre médium que les guitares traditionnelles. Puis on s'entend-tu qu'il y a des bandes, des artistes d'industriels qui ont influencé beaucoup de groupes métal. Ben, c'est un peu ce que je voulais insinuer tout à l'heure, ouais. On pense à Samael, tu sais, on pense un peu à Septic Flesh aussi. Il y en a un paquet, là. Absolument. Même Ministry, qui est un band industriel typique, a noué beaucoup avec le métal. Ben, en fait, peut-être même trop par moment. Peut-être même trop, effectivement, là. Mettons Frontline Assembly aussi, qui est un band industriel typique. Électro. Électro plus. Puis ont flirté beaucoup avec le métal éventuellement. Ouais. Ben, tu sais, beaucoup de ces musiciens-là ont fait un choix de genre musical auquel ils se sont associés en tant que musicien. Mais ça veut pas dire qu'ils écoutent pas autre chose, là. Quand je te parlais de la semaine dernière de l'entrevue avec Nergal, qui écoute du punk et tout alternatif, puis le gars sur scène, on dirait qu'il veut manger tout le monde. C'est ça. Skinny Poppy, c'est le même principe. Ben, sauf absolument. Que ces gars-là faisaient de la musique avec des échantillonnages, des synthétiseurs. Mais c'est très malsain. Musicalement parlant, c'est plus avec Cannibal Corpse. Là. C'est... Ben, moi, personnellement, je serais porté à dire que oui. Ben, oui. Mais la majorité des gens qui ont une vision, je dirais, uniquement métallique, vont dire le contraire. Ben, Skinny Poppy, c'est tellement élevé que le gouvernement américain a pris leur musique pour torturer les prisonniers à Guantanamo. Moi, j'aurais été content. Moi aussi, c'est cool. Tu peux-tu la recommencer? Tu mets-tu d'autres choses, s'il te plaît? Tu sais? Quoi qu'il en soit, ce segment-là industriel, ben, faut que vous attendiez à ce qu'il revienne. On n'a pas encore statué s'il va se faire une fois par mois ou non, ou va se faire une fois par deux mois. Peu importe, il va revenir à réanimation. Il va toujours se présenter sous la même forme, c'est-à-dire tout le temps les mêmes pièces. Non, c'est pas vrai. Un bloc. Dans le fond, il y a juste six pièces d'industriel. Ben, un bloc qui va avoir été concocté par Sinistros et un par moi. Et on va chercher des trucs qui vont se promener dans ce courant-là. Des trucs tantôt plus, je dirais même de la fin des années 70 par moment. Oui. Des trucs 80, ça des ça trucs... Ça se peut qu'on aille jouer dans du pur industriel, ou ce que c'est, les Einsteinzans... Ben, peut-être du bruitisme, là, c'est ça. Donc, bref, on va débuter ce segment en disant « Adios amigos » avec la formation Misery Love Corporation, une formation industrielle métal. Par contre, si vous allez retrouver du métal, une formation suédoise qui a vu le jour en 1990, qui était active jusqu'au début des années 2000. Semblait-il qu'elle se serait reformée en 2016. Il n'y a pas rien de nouveau studio qui a été produit. C'est peut-être plus des concerts ça et là. C'est un duo qui donne dans une musique, je dirais, cette fois-ci, effectivement, on risque de me répéter, à forte consonance métal. On va entendre aussi formation d'Angleterre, Godflesh, que tu connais bien. Bien sûr. Qui ne sont pas des... C'est pas des néophytes, mettons. Non. C'est ça. Et tu parlais de Skinny Poppy, ben définitivement, Skinny Poppy, c'est mon groupe préféré d'industriel, mais c'est aussi mon groupe préféré de tous les styles musicaux. Ben moi aussi. C'est pas mal dans moi, c'est ça. Donc on va entendre ça, et par la suite, on reviendra en onde pour que Sinistros puisse nous parler de ses choix à son tour. Donc débutons avec Misery Love Corporation et la pièce I Swallow. Vous êtes à réanimation, croyez-le ou non. Haha, let's go. We'll be right back. C'est rare, mais cela peut causer des hallucinations bizarres, en général suivies par des convulsions. Deadly war. Jeff Bethlehem. Plein air, votre magazine sur les loisirs en extérieur, les mardis de 18h à 19h sur les ondes de C'est Fou 89.1. Élégamment tendance et profondément exotique, le groupe primé turco-canadien Minor Empire est en concert le 27 octobre prochain au Café Bar Le Zénobe afin de promouvoir son plus récent album Uproot. Doué de voix envoûtantes et sur des grooves vibrants, ne manquez pas le groupe turco-canadien Minor Empire le 27 octobre prochain au Café Bar Le Zénob. Billets et infos sur cafébarzenob.com et sur minorempire.net. Dans la zone 89.1. Well, avez-vous eu peur? C'est pas fini. On parle peut-être à personne maintenant. C'est pas fini. C'est pas fini. Moi, j'ai comme l'impression que... Allô? Non, il n'y a plus personne. Ben, les plus personnes qui sont là, habituez-vous parce que c'est sûr que ça va revenir. Puis peut-être à toutes les... Ben, on le sait pas. On va regarder, là. On veut quand même pas perdre tous nos commanditaires. Qui sont majoritairement personnes. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire la formation... je dirais initialement de Vancouver... Ça, c'est au Canada, Sinistros, hein? Oui. OK. Tu savais, c'est à côté de Toronto. Tu vois? Oui. Ah, ben, je me suis trompé. Je suis certain que c'est à côté de Montana. C'est les Appalaches. Ah, ben oui, ouais. Ben oui. Où avais-je la tête? Sur les épaules, bien sûr. Skinny Puppy et la pièce VX Gas Attack qu'on retrouve sur l'album VVSEC V. Album qui est paru en 1988 sur l'étiquette Network, qui fait définitivement partie des albums que je préfère de cette formation, typiquement industrielle. Et à l'époque, ils étaient industriels à connotation horreur, parce que leur concept musical et de parole s'adressait à la dénonciation des choses horribles de l'humanité. Oui. Et si tu regardes le titre de l'album en même temps, oui. Ça a une autre connotation. Absolument. Vas-y. Vie, vie, secte, vie. Oui. C'est six, six, sec, six. Voilà. Eh hey. Hey, oui. Qui est une formation qui a aussi énormément dénoncé les expériences sur les animaux en laboratoire et toute la maltraitance qui a été faite envers les animaux. Ils sont directement associés à la PETA. Mm. C'est une formation qui, initialement, est de... En fait, c'est un peu particulier, Skinny Puppy, parce que c'était... Ces deux têtes dirigeantes, c'est Seven Keen avec Org, qui se sont joints à un certain moment donné par Bill Leeb, qui à l'époque portait un autre nom, soit quel était déjà son nom de scène. Paul Rice Fulber? Non. Non, c'est l'autre. Ça, c'est le partner de Bill Leeb. C'était le partner de Bill Leeb. Je vais le trouver tout à l'heure. Oui, mais aussi, c'est joint à un certain moment donné, pendant un bon nombre d'années, un deuxième claviériste, Dwayne Gottle, qui était un personnage très, très particulier, très dans une bulle très hermétique, qui amenait un design de son à Skinny Puppy très, très, très original. Une excellente combinaison avec Seven Keys qui faisait, qui est aussi multi-instrumentiste. Mais malheureusement, Wayne Gottle avait des habitudes de vie qui étaient très malsaines et il en est décédé, c'est-à-dire d'une overdose. Trop de lait. Oui, je pense que c'est en 1993, c'est ça, hein? Je pense que oui. Juste avant, nous avions d'Angleterre, Godflesh, qui, eux aussi, sans être, je dirais, peut-être aussi importants sur cette scène que Skinny Puppy, ont laissé de grandes marques. Godflesh, qui initialement était une formation de je pense qu'ils étaient, jusqu'à un certain moment donné, presque sept là, ensemble. Là. Ils étaient vraiment pratiquement un orchestre symphonique. Maintenant, aujourd'hui, ils ne sont que deux. Ils continuent quand même à faire des trucs, Godflesh, mais c'est quand même aussi considéré comme des vieux routiers. Formation qui est associée un peu plus au métal, par contre. Plus de guitares présentes, plus de distorsions, si on veut. La pièce était en Parasite. Ça doit te rappeler quelque chose, ça, Parasite? Bien sûr! Ben oui. Qui sait, peut-être en présenterons-nous un jour de ça. Ça sera discuté. C'est tiré de l'album, le huitième album, Post Self, qui est paru le 17 novembre 2017. C'est comme relativement récent, allons-nous dire, sous étiquette Avalanche. Et un ouvert avec la formation suédoise Misery Love Co., Misery Love Company. Et une pièce tirée de leur premier album, homonyme Misery Love Co., soit I Swallow, qui est paru en 1995 sur Classfield Record. Ceci dit, Je laisse le choix à mon assistant de Sinistros de vous présenter tant qu'à lui quels sont ses choix de ce segment Mechanical Surgery. Eh bien, l'industriel, ça s'adapte à plusieurs sauces. Oui. C'est, ça a eu des ramifications, même encore aujourd'hui, dans plusieurs domaines musicaux. Dans les années 80, ça a touché un petit peu le punk, le hardcore. Ça, ils ont embrassé un petit côté industriel. Mm-hmm. Une formation de l'Illinois qui s'appelle Big Black. Qui en toute honnêteté, que je ne me rappelle pas d'avoir connu. Big Black est une formation très culte du domaine mélange industriel, hardcore, punk. Ils ont sorti deux albums seulement. Okay. Deux albums fracassants, dont Songs About Fucking, qu'on va entendre une pièce ici. Formation qui mettait en vedette Steve Albini comme frontman. Steve Albini qui est reconnu pour avoir... il était producteur. Producteur de disques, même encore aujourd'hui, qui a produit de plusieurs disques underground, dont le In Utero de Nirvana. OK. Ça sera suivi de un des groupes pionniers oui. de l'Angleterre dans le domaine industriel, un peu noise, très harsh, oui. un peu dark, Cabaret Voltaire. Mm-hmm. Tu peux pas parler d'industriel sans parler de Cabaret Voltaire. C'est un fait. Ça a été le penchant de Throbbing Gristle, mais le côté anglais. Oui, oui, oui, oui, c'est vrai. Ça sera suivi d'une autre formation anglaise qui a embrassé plusieurs styles, puis oui. presque tout en même temps. Oui, c'est vrai. Commencé comme... formation plus post-punk, à la limite un peu new wave, a embrassé tranquillement l'industriel sur les deux et troisième albums pour se rendre dans le métal pur et dur éventuellement, mais en gardant tout le petit côté new wave, le petit côté gothic rock, le petit côté post-punk et une grosse dose industrielle avec Jazz Coleman qui est un luciférien accompli, Killing Joke avec Money Is Not Our God. Fait qu'on va entendre tout de suite Big Black, Bad Penny, Cabaret Voltaire et la fameuse Nag, Nag, Nag. Oui. Ça risque de faire grincer des dents de quelques auditeurs. Et Killing Joke, Money's Not Our God. Go! Let's Big go. Black, Bad Penny. Eh oui, c'était cela. C'était quoi? Killing Joke, Money's Not Our God, qui est paru sur Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions. Oui. Tout un titre. Paru en 1990 sur Noise Records. Ah, ben ouais. Oui, ben ah, oui. Ben voyons donc. Ben voyons, ils ne sont pas juste des groupes métal. Non, ils n'ont pas fait ça. Ben oui. Killing Joke ont eu une carrière quand même assez fulgurante et tout de même très constante. Ils ont sorti des albums qui étaient un petit peu plus inégaux, comme on parlait hors onde. Mais somme toute, la carrière générale du groupe est très intéressante. Oui, il y a des bons trucs. Puis il ne faut pas oublier que cette formation-là fait partie des pionniers quand même du genre, parce que ça existe depuis 1979. Effectivement, là. Effectivement. Ouais, c'est des vieux de la vieille. Là. Oui, oui, oui, oui. Alors, on aura pu entendre Jazz Coleman à la voix et... Une voix particulière. Oui, Paul Raven à la basse. Ouais. Bien sûr, Paul Raven qui, par la suite, a joué dans Ministry. Exact. Et, tout s'imbrique, des fois. Ça, c'est... Ce mouvement-là a eu énormément de collaborations. Oui, beaucoup de collaborations, surtout dans les années 80, quand Jorgensen est arrivé, avec Skinny Puppy, avec les Legendary Pink Dots, Front 2-4-2, puis Revolting Cox. Il y avait des side projects qu'on a pu finir. C'était vraiment cool. Oh, ouais, c'était le fun. Puis, les gens qui nous écoutent présentement... Il n'y en a plus. Il y en a... Puis qui croyaient pas que ce style de musique-là a une énorme influence sur la musique métal actuelle. Ben, vous connaissez que dalle. C'est ça. Rien qu'à penser à ceux qui aiment Fear Factory. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans Fear Factory? Il y a exactement ce qu'on vient d'entendre. Ben oui. De A à Z, dans toutes les 6 formations qu'on vient d'entendre, Fear Factory a puisé là-dedans à 100 000 à l'heure. Ouais. On a eu Cabaret Voltaire, formation pionnière du mouvement industriel... assez harsh. Ah, c'est Cold Wave quasiment. Cold Wave. Noise, ouais. Très minimaliste. Avec la fameuse Nag Nag Nag qui est parue sur le Sepus Nag Nag Nag en 1979. Ouais. C'était paru de façon indépendante. Et Big Black, formation avec Steve Albini à sa tête. La pièce Bad Penny qui est parue sur Songs About Fucking, deuxième et dernier album du groupe, paru le 10 septembre 1987. Sur le défunt label et merveilleux label Touch and Go. Puis en as-tu sorti du bon stock sur ce label-là à l'époque? Oui, tout à fait. Ben, c'était pas mal bien. Fait que nous autres, on a bien aimé ça. Ceux d'entre vous qui ont moins apprécié, on s'en sac pas mal. Ben oui, fait qu'on va revenir une fois par mois avec cette histoire. C'est l'art de détruire notre auditoire. Oui, c'est ça. Ou bien aller s'en chercher. Ou peut-être. Les culturer, peut-être. Peut-être. Un peu ben plus. Oui, ben oui, ça peut être. Transformer nos auditeurs. Les culturer, oui, avec un cas. Oui, c'est ça. C'est quoi le but du laboratoire? C'est façonner l'humain à notre image. Ben absolument, les transformer, les rendre encore plus hideux. Ce vendredi, c'est la sortie du nouvel album de Soulfly qui porte le nom de Ritual. Ça risque d'être assez bien. Je vous le présente la semaine prochaine. Il va falloir que je l'écoute, parce que moi, t'avoue que Soulfly, dans toute sa carrière, j'ai pas vraiment embarqué là-dedans. Ben, écoute, moi, je suis pas un fan de Damas Cavalier en général, mais je trouve qu'il y a des trucs qui font qu'ils sont vraiment intéressants. Oui, peut-être. La semaine prochaine à réanimation, soit le 23 octobre, mardi prochain, il y a quand même 4 présentations de nouveautés qui vont se faire. On va avoir des affaires. Oh, oui, c'est une... Ben, du bruit aussi. 4, oui. On va avoir, entre autres, justement, Soulfly, Ritual. On va avoir Ominous Eclipse, l'album Sinister, une formation de death metal d'Ontario que j'ai vraiment apprécié. Sinistros va nous parler du nouveau Anonatra. Très bon album, peut-être mal aimé, peut-être incompris, mais... Quand on parle d'industriel, ben, drette là! A New Kind of Horror, leur nouvelle parution, ainsi que Black Tusk et TCBT, qui sera présenté par Sinistros, une formation qui donne plus dans un Doom Sludge. TCBT, ça veut dire Take Care of Black Tusk. Bon, voilà! Il aura fallu y penser, n'est-ce pas? Je vous parle de cinéma, tiens. Ça va être fait. On va être débarrassé, n'est-ce pas? Passe avec la mauvaise nouvelle, puis on s'attardera sur la bonne nouvelle. D'accord. Je vous parle de la série télévisée première saison de Sam Shawn et Dustin Thomason, soit Castle Rock, qui est une série, je dirais, fantastique, à connotation horreur, qui est inspirée directement des écrits de Stephen King. Bon, à la base, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas grand-chose à l'écran, au petit ou au grand, qui a été présenté d'après une adaptation de Stephen King qui a réussi. Effectivement. Il n'a pas eu beaucoup. Même Stephen King a eu de la misère à réussir. En tout cas, c'est très... disons que c'est très discutable. Mais ici, Castle Rock, on ne discute pas. C'est tout simplement mauvais. On ferme la télé, et c'est mauvais. Passons à un autre appel. Je veux juste lire un petit bout que je dis dans ma chronique... Blog, réanimation, à des points bien sûr. Ma première impression en début de visionnement était c'est très mystérieux. C'est très mystérieux, c'est en fait avéré plus que vrai, tellement que je me demande, j'ai tout simplement rien compris. Ah, ça se peut, ça. Ah, écoute, j'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. 10 épisodes que j'ai écoutés par acquis de conscience pour arriver à la fin, puis... Par contre, heureusement qu'il y a d'autres bonnes choses qui se font, que t'as vu aussi, que t'as apprécié, oui, c'est oui. Ant-Man and the Wasp. Ben oui, ben oui. Un film de science-fiction, d'action, d'aventure de Marvel qui met en vedette Paul Rudd dans le rôle de Ant-Man. J'étais un très grand amateur de Marvel, mais puis je vais te dire une affaire que celui-là, c'en est un bon. Ben, c'est un des excellents. Oh, oui, c'est ah, oui, c'était très, très, très bon. Qui met tout ça en vedette Evangeline Lilly, qu'on a pu voir, qu'on a connu principalement dans Lost. Oui. Ainsi que Michael Douglas. Très bon Michael Douglas. Ben, il est à l'image de Michael Douglas. Absolument. Le film de Peyton Reed. Bon, ben, vous avez peut-être vu le premier Ant-Man. Ben, c'est il la faut suite, l'avoir vu. C'est la suite logique. Parce absolument. Que si vous n'avez pas vu le premier, le deuxième, vous allez peut-être faire comme... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez être perdu. Oui. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film parce que... Ce que j'apprécie maintenant beaucoup de Marvel, c'est quand ils ne se prennent pas trop au sérieux. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, tu vois, le Ant-Man, un petit peu naïf. Oui. Ah, oh, OK, je sortirai pas. Mais non, là, j'ai fait de la prison, mais là, il faut que je retourne, là, puis ouais. Ah, ma fille, là, puis c'est comme... Mais il y a un aspect qui est comédie dans ça, mais qui tombe pas trop dans le familial Walt Disney. Ben, c'est un peu comme Deadpool, que moi, j'ai pas aimé ouais, du tout. Ouais, t'as pas aimé Deadpool, mais Deadpool, c'est complètement violent, là, c'est déjanté complètement. Mais même là, dans Deadpool, c'est une dérision des films de super-héros. Ouais. Ça, j'ai bien aimé ça, parce que quand on tombe dans le trop sérieux, le trop, je dirais, comment je pourrais dire, dramatique. Ben, j'aime le côté très dark, tu sais, comme les X-Men, j'aime beaucoup le côté les X-Men, dark. C'est ça. Correct. Mais quand on tombe dans des trucs, moi, excuse-moi, là, mais désolé, moi, les films qui viennent de DC Comics, j'ai beaucoup de misère. Ben, à part les Batman, là. À part les Batman ouais. qui sont excellents, ouais. mais les Superman, les Batman contre Superman, non, non, vraiment, là, Justice League, j'ai pas aimé ça du tout. Non. Mais ces films-là de Marvel, comme Ant-Man 2, c'est des films qui sont vraiment très, très, très distrayants, sont super bien interprétés, techniquement parlant, c'est impeccable. Oh, c'est impeccable. C'est impeccable, ça en met plein la vue. Puis on se bidonne tout le long du film. Absolument, tout à fait. Donc, Ant-Man 2, Ant-Man 2, c'est soit Ant-Man and the Wasp, vous devriez le voir absolument, c'est un amateur du genre. Et sans grande surprise, il y a des chances qu'on les revoie dans... Avengers. Ah oui, parce que le film se termine avec une note qui fait penser énormément au dernier Avengers. C'est cela. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec un blog de notre ami Sinistros, encore une fois. Non, mais il arrête pas, lui-là. Non, je n'arrête pas, mais c'est... Non, je suis en train d'oublier de quoi, moi, là. La présentation, ça. Ben oui. Pour remettre nos auditeurs dans la track plus métallique, ben, je vous propose d'aller écouter deux pièces du nouvel album de Terrorizer, cette formation californienne qui a sorti son quatrième album vendredi dernier, soit le 12 octobre, sur DN Records. Encore avec d'autres membres. Ben, en fait, il ne reste que Pete Sandoval, bien sûr. Quoique les deux autres membres sont là quand même depuis 2013. Ouais, mais ils n'ont pas fait d'album avec eux autres. Fait que, tu sais, c'est le groupe de Pete Sandoval. Terrorizer, c'est du dead grind, c'est dans le fond. Puis je vais vous dire, le bloc que je vous présente a deux pièces, puis au total, il dure 2 minutes 57. Mais ça va peut-être gargariser nos auditeurs qui ont une indigestion actuellement. Ceux qui sont cachés derrière le divan, ils vont peut-être voir comme les chats, regardez. Oui, qu'est-ce qui se passe? OK, on peut s'en revenir, là, d'accord? Je vous propose la pièce Invasion, ça sera suivi de la pièce titre Caustic Attack. Let's go! Don't go to bed, I'm forced to dream. Not just Wow. OIS. Expéditif. Terrorizer, deux pièces tirées de leur dernier album Caustic Attack. Quatrième qui est paru le 12 octobre dernier sur DN Records. On vient d'entendre la pièce titre, Caustic Attack. La pièce titre, pardon. Et c'était précédé par Invasion. À cet album, je lui ai accordé une note de 7,5 sur 10 parce que j'adore la pochette. Ah, d'accord. Donc, la pochette est bien, c'est bien produit, c'est correct, mais tu sais, ça fracasse rien en tant que tel. Sinistros, je vais te laisser aller avec ton petit bloc de blasphème. Oui. C'est bien dit, hein? Oui. Petit bloc de blasphème. Oui, on recule dans le temps, mes amis. À l'époque où le heavy metal était roi et maître. Eh bien oui, en France, ils s'en faisaient du heavy metal. Avec les formations comme Sortilège ou même Blasphème. Oui. Blasphème qui m'avait marqué à l'époque avec une pièce et que j'écoute aujourd'hui avec un petit rictus en coin. Ah oui? C'est, ben, c'est rigolo. Les paroles sont un petit peu niaiseuses. Mais c'est drôle quand même. Musicalement parlant, c'était quand même très bien, mais disons que vocalement parlant, c'est un petit peu moins bien. Okay. Mais ça ravive des pas pires souvenirs. Mais là, c'est pas juste trop, des pas pires souvenirs. Là, pas tu commences à m'inquiéter pas mal. Pas trop là. Souvent. OK. Blasphème avec la pièce Magie Noire qui est parue sur l'album Blasphème en 84. Ce sera suivi de Raven. Ah ben ça, déjà, là. Raven avec Break the Chain. Et Accept et la pièce Son of a Bitch. Alors, on recule dans le temps, respectivement 84, 83 et 81. Mm-hmm. Ça rentre un petit peu dans le trip de l'évolution mécanique, métallique, avec des pièces qui n'ont pas trop marqué, mais qui étaient quand même importantes pour l'époque. Des pièces qui n'ont pas trop marqué, voire peu. Voire peu. Allons-y. Blasphème, magie noire, elle est dans le manoir. Oui, le soir, lorsqu'il fait noir. Let's go. Magie noire, elle est dans le manoir. blessures dans le sang, la chair qui déchire. L'alchimiste deviendra enfin vite en calvaire. L'étoile de ce marin en sera ton flair. Magie noire, elle a reçu ce soir. Magie noire, Lucifer au manoir. Magie noire, elle a reçu ce soir. Magie noire, Lucifer. You

Faites-vous en pas, je la retenterai pas une deuxième fois. Tu t'es tout si bien, oui. Sois-en avisé. Blasphème avec la rigolote, désopilante magie noire, parue sur le premier album Blasphème, paru en 1984 sur Lizard Records. Aïe, aïe, aïe. Musicalement parlant, quand même pas si pire. Es-tu malade, toi? Point de vue vocal, ça fait dur. Ben, moi, je pense pas que c'est une blague, là. Ben, c'est presque ça. C'est pas presque ça. C'est une mauvaise blague. C'est vendredi, c'est même assez fou, 89.1 dès 11h. C'est pour les vrais amateurs de vrai rock. C'est Rock Classique avec notre ami le Rockmaster René Lefebvre qui vous présentera le traditionnel 3 pour 1. Aussi, eh bien là, je suis mêlé, Sinistros. Ben, je pense qu'on va me démêler parce que t'es payé comme moi. Oui, là. C'est ça. Mais est-ce que c'est ce vendredi que Tower et Jeff Duff nous présenteraient? Je sais pas, je suis aussi mêlé que toi. Ben, en tout cas, plus mêlé que toi. Vérifiez sur SoundCloud parce que Subversion avec DJ Tower of Death, c'est aux deux semaines, n'est-ce pas? Et oui. Je pense que c'est cette semaine. Ben, il dit ça, puis... Ou des petits criquets. J'irai voir, c'est pas grave. Ouais. Ben, on va se laisser avec un... N'oubliez pas de visiter le site de ben oui. Sur la mort, oui, mais réanimation. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, il reste encore deux semaines. La page qui était là depuis quelques années va disparaître. C'était ouais. Un groupe, puis on l'a fait péter. Maintenant disponible en tant que page où ce que les interactions vont être beaucoup plus faciles. Ça va être sur facebook.com où vous pouvez réanimation, c'est fou. Effectivement. Et oui, tu as bien fait de le mentionner. N'oubliez pas le site le blog de notre ami Sinistro, c'est rulamort.com avec ses chroniques qui sont même pas vraies dans le fond. Là. T'as tout inventé ça. Il n'y a aucun des titres qui est chroniqué là, qui existe. J'ai même inventé des bandes. C'était vendredi dernier, l'émission de notre ami Tower, soit le 12, donc c'est la semaine prochaine. Et qu'on est-tu mêlé? Oui, la semaine prochaine, je l'ai dit, nous avons quatre présentations pour vous. Et le 30, dernière émission du mois, il n'y aura pas de présentation d'album marquant parce que nous allons faire un spécial Halloween. Oui, des titres avec des chansons de... Épeurantes. Épeurantes, ben comme la petite sirène, là, comme oui. la fée des glaces. Là, la fée des glaces, qui ça? La fée des dents? Ah, la fée des dents. Non, mais non, la fée des glaces, c'est l'été, ça. Peur, elle. On va se laisser avec au moins une dernière pièce et peut-être Ricard, soit en The Monolith Death Cult des Pays-Bas et la pièce Drugs, Thugs and Machetes ou Drogue, Voyou et Machette, si vous préférez. Machette une machette. Oui, c'est ça. Qui est tirée de Tetragrammaton, leur cinquième album paru le 10 mai. Le 10 mai 2017. Le 30 novembre, c'est un nouvel album pour Monolith Death Cult. Tetragrammaton, c'est pas 2017, hein. C'est 2016. C'est 2016, t'as raison. Effectivement. Mais le 30 novembre, nouvel album pour Monolith Death Cult. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Excellent. Oui, j'espère qu'il va être à l'effigie des dernières parutions. De la dernière, du moins. Oui. Et peut-être un petit bout de Decapitated avec Carnivals Forever, l'album titre de cet album conceptuel qui paru le 12 juillet 2011 sur Nuclear Blast. On se retrouve mardi prochain. Et d'ici là... Allez tous vous faire foutre. See you. Intelligence greater than man. These pussy women, they are cockroaches.